1. C'était stressant quand on avait l'impression qu'il allait la rattraper. Il avait une tête horrible. 2. Ce film donne plein d'idées pour changer le monde. Il y a plein d'initiatives dont je n'avais jamais entendu parler. J'arrête pas d'y penser. 3. Il y avait des scènes très dures et très explicites. Et quand on pense que cela est inspiré d'un fait réel, c'est fou! 4. J'ai pleuré pendant la moitié du film. C'est tellement émouvant quand il retrouve sa fille